partis dans son chanton tous avec Musette Party. C'est réussi. Musette Party a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Cœur que plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Party, c'est notre vie. Et c'est parti, dans son chanton tous avec Musette Party. Musette Party a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guette, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Et bonjour auditeurs de Radio Guimauzo, bienvenue dans Musette Party, dans votre émission Musette Party, donc sur Radio Guimauzo 107.0, sur Résonance FM 88.1, une fréquence à Saint-Étienne-Lermiremont et l'autre à La Bresse, et ce tous les samedis matins et tous les dimanches matins, entre 10h et midi sur Radio Guimauzo le samedi, dès 7h le dimanche et sur Résonance FM dès 11h bien le samedi et dès 5h le dimanche. Voilà. Merci d'être là. Et nous avons parmi nous. Miaou. Nous avons parmi nous. Miaou. Eh bien, notre ami Marcel. Bonjour Marcel. Oui, bonjour Cyril. Bonjour toutes les auditrices, tous les auditeurs, tous les internautes. Bienvenue parmi nous. Eh oui. Miaou. C'est recherché, hein. Ah oui, oui, oui. Tu avais jamais pensé. Hein. Tu as déjà pensé? Oui. Tu avais déjà pensé à le faire? Oui. Ah bon? Oui. À faire miaou quand je dis parmi nous? Oui. Bon, en espérant que vous ayez passé une bonne semaine, hein, que vous avez peut-être dansé, fait du. Oui, vous avez peut-être dansé, vous avez peut-être fait du jardin, je sais pas. Oui. Ton la pelouse. En fait, tu n'as pas pris ta carabine? Non. Pourquoi? Ah, d'accord. Non, parce que Jésus est descendu parmi nous, hein. Ah bah oui. Alors si t'as pris ta carabine, ça va pas. Ouais. Pourquoi? Bah je te dis, Jésus est descendu parmi nous. Ah bah oui. Comme tu fais minou. Ah bah oui, oui, oui, oui. Parmi nous. Par le chat. Ouais. Voilà, c'est le chat qui l'a descendu. Bon, alors on débute l'émission avec le passe-double. Oh yeah. Oui. c'est Daniel Girard qui ouvre le bal. Daniel Girard qui nous vient de Franche-Comté. Extrait d'une compilation Franche-Comté en fait avec Daniel Girard, Manu Mauguin, Benoît Chabot, Pierre-Alain Krumnacher, Florent Goris et Emilia Roy. Emilia Roy, oui. Donc c'est Daniel Girard. Oui, c'est ça. Franche-Comté en fait. Hein. C'est la Franche-Comté en fait. Donc, je sais qu'il y a des franc-comtois qui nous écoutent. Eh oui, pas mal. Oui. Ils sont fidèles, hein, les franc-comtois. Et Daniel Girard, donc, lui, nous vient de Franche-Comté, et c'est le passo des bassos. Le Paso des Basso. Des Basso, ça doit être des habitants de... Je sais pas où. Je sais pas. Ouais, très bonne question, tiens. Oui. Allez, c'est parti. Daniel Girard. Un morceau dans lequel il a participé à la création de ce Paso Doble. Voilà. Allez, c'est le Paso des Basso. C'est parti. Thank you. Merci à Franck Ledet. Franck Ledet. Eh oui. Accordoniste. Et il joue de la trompe aussi. La trompe des Alpes. La trompe de chasse. Ah, trompe de chasse, d'accord. Oui, en même temps que de jouer de l'accordéon. Oui, oui, d'accord. Voilà. C'est le... Il nous vient de Blénaud. Dans... Nancy. Non, Blénaud. C'est dans, le... dans Lyon. Ah bon, parce que tu es aussi en Lorraine. Hein. Blénaud Ah bon. Ah, je sais pas, peut-être. Voilà. Enfin, c'était Franck Ledet avec ce passo-doble que vous venez d'écouter. Qui s'appelle Solita d'Espagne. Solita d'Espagne. Oui, Solita d'Espagne. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Voilà, de Franck Ledet. Alors après Franck Ledet, eh bien on va aller danser la valse avec Daniel Tiberio. Alors lui, nous vient de la région parisienne. Et c'est un accordéoniste d'origine portugaise. Tiberio, c'est portugais hein, oui, aussi. Oui. Alors, il a sorti un album qui s'appelle Tiberio. Un album en 14 titres. Et on l'écoute avec une valse. Ça s'appelle Hola Valse. Hola, ça doit être bonjour, non? Hola. En portugais. Hola. Hola. Ouais. Enfin, c'est peut-être bonjour ou quelque chose comme ça, hein, de toute façon. Oui. C'est... Parce qu'en Espagne aussi, je crois, non? Ils disent oui, hola. Oui, ils disent comme ça aussi, oui. Hola. Enfin, c'est Hola Valse. Eh bien, c'est de Michael L'Archange et Daniel Tiberio. Donc, place à la valse et Daniel Tiberio. Un petit mot sur un petit mot. Un petit mot. Un petit mot. Sur la valse. Oui. Non, ben. Une danse à trois temps. On va écouter, oui. Oui, en général, c'est à trois temps. Quoi qu'il y ait des valses aussi. À deux temps. À cinq temps. Ah, à cinq temps, oui. C'est à sept temps. Il n'y a qu'une autre mesure. J'ai vu ça il n'y a pas bien longtemps. D'accord. Bon. 6-8. Non. Enfin, voilà, c'est une valse. Je me rappelle plus. C'est 1-2-3. 1-2-3. Voilà. Allez, les valseurs, les valseuses, c'est à vous. C'est Daniel Tiberio. Autrement dit, dada pour les intimes. Voilà. À dada. À dada. À dada. Allez, c'est parti. C'est des beaux villes. Oui. Marielle Roy, dans Musette Partie avec cette valse, une très jolie valse, hein, qui s'appelle Rêverie d'ado. C'est de Marielle Roy et Michael Larchange. Non, Maurice Larchange. Voilà, dans Musette Partie. Marielle Roy qui nous vient du Doubs. D'Orchamven. Tu connais ? Oui. Oui. Voilà. Extrait de son album Musette en liberté. Un album en 18 titres. Hein. Alors après la valse, eh bien, je vous propose un petit Madison. Tiens, ça change un petit peu. Oui, ça change un peu. Et ça s'appelle À la croisée. Alors À la croisée, c'est de Joël Bonamy. Et ça doit être Daniel Terret. Voilà un album qui s'appelle Voyage en Espagne. C'est bien. Voilà un bel album en 18 titres. Voilà. Donc c'est parti pour ce Madison à la croisée. Donc on y va, on va à la croisée. Et on va danser le Madison, on s'aligne, c'est parti. Donc ce sont les compagnons du Musette. Hein. Voilà, j'ai oublié de dire l'interprète. Donc c'est Joël Bonamy à l'accordéon. Hein. Et qui fait partie donc des compagnons du Musette. Hein ? T'as mal la gorge ? C'est vrai ? Ah, t'as pris un coup de froid. Tout à fait. Ah. Allez, c'est parti, à la croisée. Dans un tout petit quartier, c'est caché pour pas que je puisse l'attraper. Elle était toute tremblante dans mes bras. Elle y sera pour la dernière fois. Comment dire? Pas m'expliquer comment dire nos destins sont croisés. Elle aussi, et ça n'a pas empêché. Elle est là, toujours à mes côtés. Elle est l'autre part. De moi, elle est mon âme, elle est ma voix, elle est encore bien plus que ça. Elle est l'autre partie de moi, elle est mon âme, elle est ma voix, elle est encore bien plus que ça. Tous les deux. Sans parler, sans bouger. Tous les deux, pas besoin d'expliquer. Comme c'est simple de pouvoir te parler. Comme c'est simple juste de te regarder. Jamais je n'ai pensé la quitter. Jamais je ne la laisserai s'éloigner. Mais pourtant, le jour va arriver. Mais pourtant, tous les deux séparés. Encore bien plus que ça. pas, et juste d'y penser, je ne peux pas, mes yeux sont déjà mouillés. Ce sera un jour de triste pensée, ce sera un jour pourri à jeter. Elle ira quand elle aura décidé. Elle ira comme elle l'a déjà fait. Partira vers de lointaines menées. Partira comme elle est arrivée. Et c'était Christelle Jeanblanc qui, avec ce Madison qui s'appelle Madison Love Story. Ça va, c'est sympa le titre. Hein. Oui, ouais, puis la musique aussi. Oui, un beau Madison de, eh bien, c'est de Guy Allard, de Armando Dasneves et de Christelle Jeanblanc. Voilà, extrait de son album, son tout dernier, qui s'appelle Souvenir d'une dernière valse. Valse. Oui. Je te fais travailler, il y a un peu la mémoire. Oui, oui, t'as raison. Bah oui. On joue. Non mais tu sais, j'ai des problèmes avec les titres, j'arrive jamais à retenir. À retenir les titres, bah oui. C'est malheureux ça. Ouais, c'est malheureux. Il faut dire qu'il y en a tellement que... Bah oui, oui. On peut pas tout retenir. Alors pour information, donc si vous voulez danser au son de l'accordéon de Christelle, eh bien vous pourrez retrouver Christelle en Franche-Comté chez elle. Ah oui, parce qu'elle est originaire de Franche-Comté. Oui. De Mélisé, donc vous pourrez la retrouver le 22 avril. Dimanche 22 avril à Breux chez Luxeuil au Crystal Dance. Pour un thé dansant de 14h30 à 19h30. Voilà, c'est à côté de Luxeuil les bains. Hein. Mais il est Madison. Comment ? Mais il est Madison. J'ai pas compris. Mais il est et Madison. Mais quoi ? Mélisé ou Mésilé ? Mésilé, ah oui. D'accord. Oui, c'est vrai que ça pourrait être bien ça aussi. Hein. Donc si vous voulez plus d'informations sur le Crystal Dance, eh bien voici un numéro de téléphone hein, du Crystal Dance. Eh bien c'est le 03 84 40 37 05. Je répète 03 84 40 37 05. Donc c'est à Breux chez Luxeuil, à l'entrée de Breux, hein, à gauche. Oui. Voilà, quand vous venez de Luxeuil. Cadillac 17 chevaux. Voilà, tout à fait. Très bien. Et autrement, vous pourrez retrouver. C'est un nouveau verbe, ça, qui vient de sortir. Retrouverez. Vous pourrez la retrouver, c'est plus simple. Christelle, en Haute-Marne, le mercredi 25 avril. Mercredi 25 avril, au Foulon, en Bourbonne-les-Bains, pour un thé dansant de 15h à 19h30. Alors, un numéro pour le Foulon, c'est le 03 25 90 02 57. Je répète, 03 25 90 02 57. Allez, après la mère, eh bien, la fille. Après la mère, la fille. Donc, c'est Laura. Et non pas Jean Blanc, mais Vimard, voilà. C'est Boléro pour mamie que voici, un boléro que vous pouvez retrouver dans cet album qui s'appelle À la poursuite des boutons. Et ce boléro, eh bien, c'est de Myriam Thiébaud, Frédéric Buch, Laura Vimard et Christelle Jean Blanc. Allez, place au boléro pour mamie. D'ailleurs, c'est bientôt la fête des grands-mères, non ? Oui. Non, c'est la fête des mères. Des grands-mères, c'est plus passé, ça, je crois. C'est au mois de mars, non ? Hein ? Je sais pas, demande à Louis. C'était au mois de mars, hein, je crois. Ce qui est la fête des grands-mères, hein. Oui. Depuis peu de temps, hein, je crois. Hein, les grands-pères, on n'y pense pas. Hein, non, on n'y pense pas. Non, maintenant, ils sont aux oubliettes, les grands-pères. Hein. Voilà. Il y a trop de grand-mère, c'est pour ça. Je te signale que s'il n'y avait pas de grand-père, il n'y aurait pas de grand-mère non plus. Hein. Eh ben oui, aussi. Enfin, en tout cas, on les salue, les mamies, les grand-mères, les nés-papis. Enfin, on vous salue, on vous fait un gros bisou quand même. Hein. Oui, on les embrasse. Oui. Bien fort. Allez, c'est parti, boléro pour mamie. Thank you. petite fille de l'an 2000, bienvenue dans notre famille, hymne à la vie que je te dédie, petite fée douce dormie. Ce rythme apaisant est une offrande, c'est voilà pour toi on chantera. Dédicace pour une petite déesse. Aujourd'hui la vie vient te sourire, dans un bel amour tu vas grandir. Dans mes bras toujours tu trouveras toute la tendresse qu'il te faudra. Cette mélodie pour calmer les tempêtes que toi seul connais. Certains je le fredonne pour toi ma belle, fais de bien jolis rêves, te berçant tendrement sur ce tempo lent. Petite petite fée douce à l'ombre, petite fée douce à l'ombre. Merci à Lionel, c'était Lionel Raffo. Voilà, dans Musette Party avec ce boléro, un très joli boléro. Hein. Oui. Salomé. Ah oui. Ça s'appelle le nom. Salomé. Je le retiens, toi. Voilà, il est vraiment bien. C'est de Lionel Raffo et Magali Devise. Salomé, hein. Oui, le titre. Le titre. Voilà. Extrait de l'album de Lionel Raffo qui s'appelle Roule ma boule. C'est recherché, hein. Roule ma boule. Roule ma boule. Allez, roule ma boule. Enfin, c'est une boule, c'est pas du verbe. Enfin, c'est pas un verbe. Disons que ça serait venu de. En deux mots, hein, ma boule. Parce qu'il y en a qui. Il y a aussi en un mot dans ma boule. Oui. Quelqu'un qui est ma boule. Ça serait venu de Yannick Catin, j'aurais compris. Oui, mais là, non. Oui, c'est vrai que c'est un peu dans l'esprit de Yannick. Hein. Oui. Je comprends même pas qu'il l'ait pas sorti, toi, ce titre. Ça existe album. Déjà. Peut-être qu'il y avait pensé, hein, je sais pas. Il y avait peut-être déjà pensé. Ouais. Voilà. Il faudra que je leur donne l'idée, toi. Oui. Bon, j'espère que vous n'avez pas oublié votre cavalière, hein, avec le gros bisou. Eh oui. Parce qu'après la tendresse, comme ça, on fait un gros bisou à sa cavalière. En général, oui. Toi, tu lui feras en rentrant. Voilà. Ta cavalière. Oui. Eh bien, on continue, on poursuit le bal dans Musette Party avec la tarentelle. Tiens, on s'aligne et c'est interprété par votre serviteur, une tarentelle qui s'appelle Tarantella Bolognaise. Alors, c'est de Jean Arduin, de votre serviteur, de Joël Saint-Hillé et Pierre-Alain Krumnacher, cette tarentelle. Hein. Mm-hmm. Donc, si vous ne savez pas quoi faire à midi, eh bien, voici une bonne idée. Des pâtes à la bolognaise, hein. Oui. Tarentelle à bolognaise. Et si vous voulez danser avec votre serviteur, eh bien, je vous donne rendez-vous le dimanche 22 avril pour un thé dansant en Meurthe-et-Moselle. Ce sera du côté de la Danse des Anges à Allain, le dimanche 22 avril, donc de 14h30 à 19h. Pour plus d'infos, eh bien, voici un numéro de téléphone. Donc, c'est le 03 83 25 07 33. Je répète, 03 83 25 07 33 ou alors un autre numéro 06 72 57 14 44 06 72 57 14 44 donc le 22 avril rendez-vous à Alain. Pas à l'autre. Hein. Comment t'as dit ? Pas à l'autre. Ah oui, à Alain, oui, et pas à l'autre, oui. Alors on y danse tous les jeudis également, les jeudis, les dimanches, à Alain, à la danse des anges. Les, oui, non, pas les jours fériés, non. Non. Non. D'ailleurs, vous pourrez y danser le jeudi 29. Ah non, ça sera, c'est pas le bon mois là. Le jeudi 26 avec Jean-Claude Eustachy. Et le 29 avril, ce sera Benoît Chabot. À Alain. À la danse des anges. Là-bas, tout le monde est des anges. Oui. Allez, c'est parti pour la tarentelle. Et... Tarantella bolognaise. Malicieux, très capricieux, qui demeure très heureux quand il s'agite ou qu'il est triste. Son air touchant, son regard charmant font douter ses parents. Il sait tout ça, ce doux petit gars. Il en profite et il persiste, sacré Baptiste. S'il est confit qu'elles sont gentilles, qu'on les lui amnistie. Sa bonne humeur remplit son cœur. Son petit sourire, sa joie de vivre nous donne tous envie. En joue démon, ce polisson mélancolique et même artiste n'entend pas la critique. Il sait tout ça, ce doux petit gars. Il en profite et il persiste, c'est notre Baptiste. Thank you. Sacré Baptiste, eh bien oui, c'était Yannick Catin avec cette tarentelle bien de Yannick Catin et de Pierre-Alain Krumnacher, extrait de l'album de Yannick Catin, vient faire un tour en Haute-Saône. Voilà. Eh oui. On en parlait, tu vois, de Yannick Catin. Ben, on l'a passé, voilà. Tu m'as donné l'idée. Espérons qu'il écoute. Bah oui. S'il écoute, on le salue. Au passage, un album en tout cas en 20 titres, hein, si vous ne l'avez pas. Eh bien, c'est à vous procurer impérativement. Hein. Tu l'as, toi, celui-là ? Je sais pas. Voilà, donc il y a de la marche, il y a de la bourrée. Il y a un peu de tout. Il y a des morceaux qu'il a composés, puis des morceaux connus, comme Viens Poupoule, par exemple. Oui, oui, oui. La Boudeuse. Il y a quoi d'autre ? Il y a Le Danseur de Charleston, tu vois. Oui, que des... Oui, Le Tango des Jours Heureux, entre autres, avec des compositions comme cette tarentelle, voilà, qui s'appelle Sacré Baptiste. C'est pour son fils, hein, qui s'appelle Baptiste. Alors après la tarentelle, eh bien, on va aller danser la Java avec Serge Carpentier. Serge Carpentier, qui nous vient de la Picardie, c'est un Picard. Alors, il va vous interpréter une Java, donc là c'est pour sa femme. Tu vois, Yannick c'était pour son fils et là c'est pour sa femme, donc c'est la Java de Régine. Ah, d'accord. Voilà, la Java de Régine, alors c'est de Serge Carpentier, Arnaud Guimard et Éric Bouvel, extrait de l'album de Serge Carpentier, viens danser, oui, j'étais encore avec Yannick moi, viens faire un tour en Haute-Saône, mais non, là c'est viens danser aux musettes, voilà. On vient toujours, on arrive. Allez, on y va. Serge Carpentier, Les Deux Mains sur le Capot et Java pour Régine. Java pour Régine. Voilà, un petit clin d'œil à toutes les Régines, s'il y en a qui nous écoutent des Régines. Oh, il y en a sûrement, hein. Oui. Allez, c'est parti. We'll be right back. Eh bien, c'était Gilou, Gilou en Java, une composition de Gilou, de Jean-Robert Chaplet, de votre serviteur et de Romain Dupuis, extrait du tout dernier album de Gilou, hein, qui s'appelle bien Gilou en fait. Voilà. Tout à fait. Gilou. Le vrai, là. C'est lequel? C'est Gilou, le Couty, le ah, vrai. Bon, d'accord. Voilà. Ah, ben, parce que Gilou Franconi, c'est le vrai aussi. Hein. Oui, aussi, c'est le vrai, oui. Gilou. Oui, c'est vrai. C'est un Gilou aussi. Et donc là, c'était Gilou et son petit accordéon, quoi. Le Gilou. Voilà. Le Gilou classique. Voilà, le Gilou que tout le monde le connaît, quoi. Le Gilou de Pierrot. Comment? Le Gilou de Pierrot. Oui. Gilou, en fait. Voilà. C'est son album. Et justement, Gilou, vous pourrez le retrouver prochainement, notamment le dimanche 22. Oui, alors donc c'est les amis de la ferme auberge de chez nous, oui, qui organisent donc le premier festival de l'accordéon et repas dansant le dimanche 22 avril 2018, et ceci à partir de 12h. Et ça sera où alors? Alors c'est à la Roselière, oui, Montbéliard. C'est Montbéliard? Ouais. Oui. Donc animé par notre ami Gilou, Danny Moureau, Claudine et Didier, oui, et des accordonistes locaux bien sûr. D'accord, comme Florian Loulan et Aurélien. Oui. Comme Angélique Neuville. Angélique Neuville. Eliane Putigny. Oui. Françoise Arbet. Magali Brun. Oui. Antoine Jiménez. Entre autres. Louise Mougin, Florian Châtelain, Florian Carvalho, Catherine Depecker, oui, Christian Coletta, Hubert Castellan, oui, et la famille Mera. D'accord. Et un numéro pour... Alors, le numéro de réservation, bah bien sûr, parce que c'est des repas dansants. Oui. C'est 30 on peut y euros. Aller sans danser aussi, sans manger, sans se restaurer, juste pour danser. Ben, c'est pas précisé, mais bon, il suffit de téléphoner. Hein, oui. Alors donc le parce repas dansant, danser, bon, c'est ben, ça. C'est hein. Avec enfin, il y en a qui vont peut-être aussi sans danser. Hein, il y en a qui vont juste pour leur pas. Ça dépend. Voilà. Il y en a ben, qui... De toute façon, oui, le mieux c'est de Contacter voilà les organisateurs. Donc pour les réservations, c'est au 03 81 44 48 76. Je répète 03 oui. 81 44 48 76. Donc pour les réservations. D'accord. Ou les renseignements, bien sûr. Oui. Voilà. Très bien. Bon ben merci Marcel. Je t'en prie. Pour ces renseignements. Voilà. Pour cette annonce. Que tu m'as rappelé. Je t'ai rappelé, oui. Alors, Mes yeux dans vos yeux. Alors là, c'est Hervé Delohen. Eh bien, c'est un album qui s'appelle comme ça, Mes yeux dans vos yeux. Et il nous vient de la Picardie également, hein, tout comme Serge Carpentier. Donc on l'écoute avec un kuduro. Ça s'appelle Magic Kuduro. Et c'est un kuduro de Hervé Delohen. Donc en piste avec le kuduro. Magic Kuduro. Et Hervé Delohen que l'on salue. Eh oui. Oui, voilà. Allez, c'est parti. T'es prêt ? Je suis prêt. We'll be right back. Merci Charlotte, c'était Charlotte avec ce coup d'ouro, ce dernier, qui s'appelle Coup d'ouro, on va s'amuser, signé Vincent Carenzi et Charlotte Buch, extrait de son tout dernier album, Comme au bal, Charlotte Buch. Voilà. D'accord. Voilà pour la série de coup d'ouro, ça remue, hein. Ouais, oui, ça remue. On transpire, hein. Ouais, ouais. Ça y en a mouillé les t-shirts, là, on est chaud pour attaquer le week-end. Chaud bouillant. Pour bien commencer le week-end. Donc après le coup de roue, bien voici une dédicace et c'est l'heure des tangos. Même deux dédicaces. Deux dédicaces, ouais, voilà. C'est l'heure des. Il y a deux tangos. Oui. Hein. Alors la première, c'est de la part de Étienne Masson. C'est pour son plaisir personnel. Oui. C'est également pour les Vosgiens, les Vosgiennes et. Les Varois, les Varoises, les Alsaciens, les Alsaciennes. Oui. J'espère ne pas en avoir oublié. Puis c'est oui. Pour tous les internautes également. Hein. Oui, tout à fait. Donc on le remercie, Étienne. Merci à Étienne. Donc c'est pour le faire pareil. J'aime aussi. Alors, donc on va le remercier. Hein. Ben merci à Étienne de voilà. Nous écouter. Et puis le deuxième tango, donc là je vais faire une petite dédicace spéciale. Je vais le dédicacer ce tango à Gisèle, deux amis qui se reconnaîtront, donc de Duriménil, Gisèle voilà. Et son mari. Et je leur dis de se préparer pour le week-end prochain parce que on part en Espagne. D'accord. Hein? Très bien. Il se reconnaîtra. Gisèle. Oui, donc je dis le titre aussi à l'avance. Oui, tu peux dire le titre, oui. Les titres, oui. Alors, le titre, très bien, ce sera un tango interprété déjà par l'interprète, Alexis Ballandier. Eh oui. Voilà. Ça s'appelle El Clos. Ok. El Clos, donc c'est un tango de Jérôme Richard, Frédéric Buch. Stéphane Escom et Alexis Ballandier, extrait de son album à Alexis Ballandier dans les Vosges. Voilà. Donc voilà deux tangos. Le premier tango, donc c'est Étienne Masson, Noche de Reyes, ouais. Ce qui veut dire Nuit des Rois. Mmh. Et donc l'autre, El Clos. Allez, c'est parti. Pour deux tangos. Pour ces deux tangos. Thank you. Merci Alexis, Alexis Ballandier, dans Vous êtes parti hein, avec ce très joli tango. Hein, il est sympa. Super, ouais. Puis très bien interprété en plus. Oui, oui. Voilà, bravo Alexis, on l'applaudit. Allez. Ah oui, oui. Et on salue toute la famille Ballandier également. Hein. Oui. Bien, alors après sans le tango... Problème. Eh bien, on va aller danser le passo doble avec Eric Bouvel. Donc, deux passo doble. Carrément deux. Alors, c'est le passo ibérique et Estelle Dolores. Voilà, extrait de l'album d'Eric Bouvel et son orchestre qui s'appelle Danser Musette. Allez, c'est parti pour le passo doble. Un petit clin d'œil à Huguette. Ah oui, oui, j'espère qu'elle écoute, oui. Bah oui. Allez, c'est Eric Bouvel. Ah bah oui, elle adore le passo doble. Ouais. Allez, en piste avec le passo. We'll be right back. Merci Eric, Eric Bouvel, dans Musette Partie avec ce très joli passo-double. Ouais. Voilà. Le passo-double. Oui, oui, oui. Ce que veut dire pas double. Oui. Ah bon, on discute hein, dans les studios. Hein. Oui. Des fois, on est pris de court. Hein. Il y a deux personnes qui nous parlent là. Oui, oui, oui. Voilà, donc après le passo doble, eh bien, on va aller danser la valse. Alors c'est une dédicace. Oui, c'est une dédicace. Donc. C'est de la part de qui alors? C'est de la part de Louis Renault, ah, ici d'accord. Présent. Louis et Louis Renault. Voilà. Ça donc, me dit quelque chose, je connais. Hein? Ça me dit quelque chose, je ça connais. Ça me dit quelque chose, bon, oui. Ben, ça va alors. Donc c'est une dédicace... C'est une, la valse à Louis. Non, c'est Loulou Valse. Loulou Valse, oui. Loulou Valse. Donc, c'est pour Josiane. C'est son père qui l'a fait. Hein? C'est son père qui l'a fait. C'est son père, oui. Le père à Loulou. Oui, voilà. Ce ne sera pas sur la dédicace. donc, c'est pour Mamie Josiane Banro. C'est pour Papy Gérard. Hein? Oui. C'est pour Janine. Mamie Janine, c'est pour Karine, maman Karine, hein. C'est pour Aurore, et c'est pour Mamie Simone, hein. J'en ai pas oublié. Bon, ben c'est bien alors. Voilà. Voilà, t'as tout dit. Bon ben, merci. Merci à Louis de nous écouter hein, sur le 107.0. À Saint-Étienne-lès-Mermoz, hein, il nous écoute, c'est bien. Il est branché. Il est branché, mais vous êtes parti. Ouais. Tout comme vous d'ailleurs. Hein. Voilà, merci à vous de nous écouter, de nous supporter. Et donc c'est parti, Loulou Valse. Alors c'est interprété par votre serviteur. Voilà, donc c'était une valse que j'avais fait dans mes débuts, quoi. À l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Hein. Donc c'est peu de près. Bernard Marly. Hubert Ledan et votre serviteur, Loulou Valse. Allez, c'est parti pour la valse. Thank you. bien, merci à notre ami Jean-Michel. Jean-Michel sonnera. Bien voilà, c'est là. Ah oui, avec... on parlait de sa voix, toi. Bah oui, c'est pour ça que j'étais là-dedans. Oui. Donc, c'est Jean-Michel sonnera bah, avec qui on a fait le générique. Hein, musette partie. Voilà, Jean-Michel sonnera que l'on salue. Donc, là, c'était au royaume du musette. Hein. Une valse de Jean-Michel sonnera, extrait de son album. Il y a toujours un accordéon en 20 titres. Voilà, on le salue. Et il nous vient de la Haute-Savoie, lui. La Haute-Savoie, oui. Oui. De plus précisément de. Villaz. Villaz, oui. Pourtant, j'ai bossé à Villaz. Hein. Voilà. Enfin, je passais devant, il devant chez lui tous les matins. Hein. Il est remonté un peu plus haut maintenant. Je crois qu'il est sur. Tone Annemasse. Annemasse. Les ah quoi oui, d'Annemasse c'est, oui. C'est quoi par là où il y a Tonon, non? Ouais. Voilà, dans les coins là. Mm. Voilà, eh bien, on le salue, hein. Jean-Michel sonnera également un super musicien, un accordéoniste. Hein. Oui. Oui. Tout comme celui qui va suivre. Bah d'ailleurs, ils ont fait de la même équipe, hein, des petits prodiges de l'accordéon avec Maurice Larchange et Stéphane Courtorenoux maintenant. Stéphane Courtorenoux, mmh. également un accordéoniste de coin. Talent, du coin là. Il est plus près lui, il est du territoire de Belfort. Voilà. Donc on l'écoute avec une série de baillons. Alors le premier c'est Génération Baillon de Valérie Tissier et Jérôme Richard. Et le deuxième c'est un baillon SVP, s'il vous plaît, mmh. SVP, de baillon Michel Ditor et de Stéphane Courtorenoux. Voilà. Donc deux baillons, extrait de l'album de Stéphane Courtorenoux, spécial danse volume 1. Allez, en piste avec le baillon. Et Stéphane Courtorenoux, que l'on salue. Ah, t'es fatigué. Je baille. Tu bailles. Je baille un peu. Il n'y a que baille qui baille. Allez, place au baillon. Si vous voulez donc passer une petite dédicace hein, ou nous faire un petit coucou, un numéro 03 29 62 40 40. Bien. Thank you. Merci à notre ami Stéphane. Voilà, Stéphane Courtois-Renoux, qui sera dans les Vosges, du côté de la maison Léonard. Eh bien, le... Il y vient souvent, ici. Oui, il y vient souvent, mais là, il n'y retourne pas avant le 27 mai, pour la fête des mères. Ah ben voilà, ah. C'est le 27 mai, le jour de la fête des mères. D'accord. Eh oui. Bien. Donc, il y sera le 27 mai, le dimanche 27 mai, avec son orchestre. Hein. Dès midi pour le repas ou dès 14h pour le thé dansant. Alors, un numéro de téléphone pour réserver vos places à la maison Léonard, c'est le 03 29 34 31 65. Je répète, 03 29 34 31 65. Alors, après Stéphane Courtois-Renoux, et pour l'heure, eh bien, il est midi pile. Hein. Eh oui. Midi une. Donc, si vous... Oui, midi une. Donc, si vous voulez... Si vous voulez passer à table, il n'y a pas de souci. Bon appétit à vous. Allez-y, faites comme chez vous. C'est l'heure du jaune. Voilà. Tout comme moi. Ouais. Bah, c'est jaune, l'orangina. Ouais. Bah oui. Eh bien, on continue après avec le cha-cha-cha. Donc on reste dans le rythme un peu cuba. Allez, minou. Comment ? On reste dans les minou. Oui. Le baillon, c'est pas vraiment minou-minou. Oui, mais c'est un cha-cha-cha. Oui, oui, le cha-cha-cha. Quoi, le baillon ? Non, c'est pas un cha-cha. J'ai pas compris. Le cha-cha-cha, c'est un minou. Ah bah oui, oui, oui, oui. Ça, oui, d'accord, je suis d'accord. C'est un minou-minou, le cha-cha-cha. Voilà. Donc, c'est le cha-cha des foins. Bon, c'est encore pas la saison, c'est mais... C'est pas la saison, bientôt. Mais c'est le cha-cha des foins, interprété par Manu Mauguin. Alors, pourquoi le cha-cha des foins ? Puisque c'est extrait d'un album qui s'appelle Musette à la campagne. Donc, à la campagne, on fait les foins. Donc, c'est un cha-cha de... Marielle Leroy, Pierre-Alain Crumnacher et Manu Mauguin. Allez, Manu Mauguin qui nous vient du Doubs, de Morteau. Oui. Plus précisément. C'est près de Pluche. Comment ? C'est près de Pluche. Morteau-Pluche. Morteau-Pluche. Moi, tu me réexpliqueras hors antenne parce que là, j'ai... C'est trop lent pour toi. Oui. Je suis pas. Je comprends pas pourquoi vous pouvez pas faire des blagues un peu plus simples. Bon, enfin, c'est Manu Mauguin tout de suite dans Musette Party avec ce cha-cha. Thank you. Merci à Jérôme Richard dans Musette Party avec ce joli tcha-tcha-tcha. Perle de Cuba, signé Pierre-Yves Lombard et Jérôme Richard, extrait de leur album, enfin de l'album à Pierre-Yves, non, à Jérôme Richard. Oui. Parce que Pierre-Yves, non, il joue encore pas d'accordéon. Il joue pas d'accordéon. Non. Donc Jérôme fait Richard. Fait des compositions, c'est tout. Voilà, c'est tout. Comme là, il a, eh ben, il a fait le couplet de ce tcha-tcha, Perle de Cuba. On le verra en Espagne, à mon avis. Jérôme ou Pierre-Yves? Pierre-Yves. Pierre-Yves, oui. Oui. Je pense. Bah, tu nous rends bien le bonjour. Voilà, donc Perle de Cuba, c'était, oui, je disais, Jérôme Richard, extrait de son tout dernier album qui s'appelle 1, 2, 3, Musette, tout simplement. Comme l'émission. Voilà. Tout comme l'émission qu'il anime fort bien avec son acolyte Pierre-Yves Lombard. Bien, alors après Jérôme Richard, eh bien, on va aller du côté de la Somme avec un accordoniste que tu connais également. Alors c'est notre ami Joël Dulac. Alors Joël Dulac nous emmène danser ce boston. Ça fait d'ailleurs un moment qu'il n'est pas... Oui. Mais ça fait un petit bout de temps qu'il n'est pas venu, oui. Oui. Et donc là, ça s'appelle Mélodie pour Odile. Extrait de son album Rendez-vous au Bal Musette. Mélodie pour Odile. Comment t'as dit ? Mélodie pour Odile. Voilà, d'accord, oui, c'est pour Odile, c'est vrai. Et c'est dédié à Odile Laine Lucier. Voilà, si elle nous écoute, on ne sait jamais, hein, au cas où. Hein. Voilà. D'où vient le titre Mélodie pour Odile. D'accord. Puis après, ça sera le Boston des Neiges. Interprété par Marcel Houillon, ici présent, que tu as déjà aussi interprété à la télé dans 1, 2, 3 musettes. Oui. À l'occasion de ton premier passage dans cette émission. Oui. Voilà. Allez, c'est parti avec les Bostons. Thank you. cadence. On s'y retrouve en cadence sur les pattes des guinguettes pour s'y revoir chanter et danser les rendez-vous de la danse dans une super ambiance. Les accordines bon musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. Passer l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Alors, les rendez-vous de la danse, eh bien oui, vous avez bien compris que c'était les rendez-vous de la danse. Alors, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end dans les Vosges, eh bien, sachez que vous pourrez aller danser dans les Vosges, notamment à Épinal, du côté de la Maison Léonard. Donc ce soir, ce samedi 14 avril, de 20h à 3h du matin, eh bien, vous pourrez y danser. Et même vous y resterez. Donc de 20h à 3h du matin. Et ça sera animé par un grand orchestre. Donc ce soir, ce samedi 14 avril. Et autrement, le 15 avril, donc demain, dimanche 15 avril, à partir de midi, vous aurez le repas dansant et dès 14h, le thé dansant. Alors, vous pourrez y danser avec l'orchestre Stanlor. Donc, demain, dimanche 15 avril. Autrement, le week-end prochain, eh bien, le 22 avril, vous pourrez, même formule, dès midi pour le repas ou dès 14h pour le thé dansant, y danser avec l'orchestre Los Hermanos. Alors, un numéro de téléphone pour la Maison Léonard, c'est le 03 29 34 31 65. Je répète, 03 29 34 31 65. Toujours dans les Vosges, et bien du côté du Tillot. Chez Sylvie et Thierry, eh bien, vous pourrez y danser demain aux variétés avec notre ami Guy Goujon, donc de 14h30 à 19h. Donc demain, ça sera le Guy. Et le dimanche 22 avril, eh bien, vous pourrez y danser avec l'orchestre Studio 5 et Christian Mangel à l'accordéon. Alors, le numéro de téléphone du TIO, eh bien, c'est le 03 29 25 01 01. Je répète, 03 29 25 01 01. Père ambiance, les accordions pour musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. L'hiver, l'été. L'hiver, l'été. L'hiver, l'été. Toujours dans les Vosges, à noter dans votre carnet de bal que le prochain thé dansant donc, du côté du Petit Creux, Amadon El Amray, eh bien, aura lieu le dimanche 22 avril. Donc, prochain thé dansant, dimanche 22 avril avec l'orchestre José et Ramon Pereira, de 14h30 à 19h. Alors si vous voulez réserver vos places ou pour plus d'informations concernant Le Petit Creux, Amadon et Lameray, eh bien c'est le 03 29 30 43 11 16. Je répète, 03 29 43 11 16 ou alors 06 09 08 54 82. Je répète, 06 09 08 54 82. Eh bien, on reste en Lorraine et du côté de la Lorraine, bien, il y a la danse des anges, hein, à l'un, et non pas à l'autre. Donc, c'est à côté de Colombelles-les-Belles, hein, en Meurthe-et-Moselle. Eh bien, vous pourrez y danser donc demain, dimanche 15 avril, avec l'orchestre José et Ramon Pereira, de 14h30 à 19h. Donc, demain, dimanche 15 avril, et ce jeudi 19 avril, eh bien, vous pourrez y danser avec Eric Schmidt. Mêmes horaires, 14h30, 19h. Et le dimanche 22 avril, eh bien, le week-end prochain, vous pourrez y danser avec Cyril Renaud de 14h30 à 19h. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 03 83 25 07 33. Je répète, 03 83 25 07 33 ou alors 06 72 57 14 44. Je répète, 06 72 57 14 44. En Meurthe-et-Moselle, du côté de Velaine-en-Haye, eh bien, à la forêt de Haye, on y danse tous les dimanches et demain, dimanche 15 avril, vous pourrez y danser avec l'orchestre Jean-Claude Daniel. De 14h30 à 19h et le 22 avril, eh bien, vous pourrez également y danser avec Frédéric Buch. De 14h30 à 19h, le 22 avril, le dimanche 22, à Lausanne, donc à Velaine-en-Haye, à côté de Nancy, entre Nancy et Toul. Puis après, vous partez en Espagne, il part en Espagne. C'est donc ça il part en voiture alors. Ah bah je sais pas. Ah bah le car sera parti, hein. Les cars seront partis. Ah bon, à quelle heure On part... 3h45 d'Épinal. Ah mais le lundi matin ? Non, le dimanche matin. Ah bon ? Ah bah alors il part peut-être à voiture. C'est l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Enfin en tout cas, voici le numéro de Lausanne, donc à Velaine-en-Haye. Donc si vous voulez avoir plus d'informations concernant l'été dansant à Lausanne, eh bien, voici un numéro, c'est le 06 79 17 36 97. Je répète, 06 79 17 36 97. Alors toujours dans les rendez-vous de la danse, eh bien sachez qu'il y a également en Haute-Marne, eh bien du côté de la Champagne-Ardenne, en Haute-Marne, eh bien il y a la niche entre Langres et Dijon. Alors vous pourrez y danser demain, dimanche 15 avril, avec notre ami Martial Villemain, de 15h à 20h. Alors le numéro de téléphone de la niche à Domarien, entre Langres et Dijon, eh bien c'est le 03 25 88 30 55. Je répète, 03 25 88 30 55. Toujours en Haute-Marne, eh bien il y a le Foulon à Bourbonne-les-Bains. Alors vous pourrez y danser demain de 15h à 20h, comme chaque dimanche. Hein. Demain, dimanche 15 avril, eh bien ça sera Eric Schmitt. Et ce mercredi 18 avril, dès midi, eh bien ça sera le mercredi gourmand. Ça sera au menu à couscous. Et ça sera animé par notre ami Michel Boisjol. Donc dès midi pour le repas ou dès 15h pour le thé dansant. Et le dimanche 22 avril, eh bien, vous pourrez y danser avec Bruno Thiebaud de 15h à 20h au Foulon. De la danse. Et le mercredi 25 avril, notez bien cette date avec Christelle Jeanblanc, le mercredi 25 avril de 15h à 19h30. Je répète, le mercredi 25 avril de 15h à 19h30, Christelle Jeanblanc. L'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. On reste dans les rendez-vous de la danse en Champagne-Ardenne et maintenant, bien oui, du côté de la Marina, eh bien à Saint-Dizier, on y danse également. Et à la Marina, eh bien, vous pourrez y danser. Donc demain, dimanche 15 avril. De 15h à 20h, hein, comme chaque dimanche. Le numéro de téléphone, alors c'est le 03 25 06 48 92. Je répète, 03 25 06 48 92. Alors là, c'est le numéro de la Marina à Saint-Dizier. Sont passés l'hiver et l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Donc voilà, vous pourrez y danser demain de 15h à 20h à la Marina. Vous avez tout ce qu'il faut, le numéro pour appeler et vous saurez bien qui animera votre thé dansant à la Marina de Saint-Dizier. Alors, toujours dans la Champagne-Ardenne, eh bien, il y a des thés dansants tous les mardis, notamment à Rouilly-Saint-Loup, dans l'Aube. Et ce mardi 17 avril, vous pourrez y danser de 14h à 19h avec Benoît Chabot. Ce mardi 17 avril et le mardi 24 avril, ce sera Fabrice Lefebvre. À la salle des fêtes de Rouy-Saint-Loup, à côté de Troyes, dans l'Aube. Alors pour plus d'infos, eh bien voici un numéro de téléphone, c'est le 0607 67 32 11. Je répète, 0607 67 32 11. Allez, on change de région maintenant, du côté de la Bourgogne. Eh bien, vous pourrez aller danser du côté du Bal Lazare, c'est à Vic de Chassenay, en Côte d'Or. Et demain, dimanche 15 avril, vous pourrez y danser de 16h à 21h, comme chaque dimanche, au Bal Lazare. Donc, c'est à Vic de Chassenay, La Roche-Vanneau. Et demain, ça sera animé par Christelle Jean-Blanc. L'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. De 16h à 21h, donc demain, toujours dans la Côte d'Or, eh bien, rendez-vous du côté du Bleu d'Avo. Avec votre serviteur, donc à côté de... ce mur en auxois dans les coins là, donc ça sera à Juillenay. Voilà, du Juillenay. Donc c'est à. C'est en Côte d'Or. Donc ça sera pour la première fois au Bleu d'Avo de 15h à 20h. Alors le numéro de téléphone du Bleu d'Avo, eh bien c'est le 06 41 19. 55 61, je répète, 06 41 19 55 61, pour plus d'infos. Chantons tous avec Musette Party. C'est réussi. Musette Party a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Mon cœur est plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Party, c'est notre vie. Et c'est parti, dansons, chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guette, feu, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. chantons tous avec Musette Party. C'est réussi. Musette Party a réuni tous nos amis. Eh bien, auditrices, auditeurs et internautes de Radio Guémozo, en espérant que vous ayez passé un bon moment en notre compagnie avec la présence de Marcel Houillon. Hein ? Oui, oui, oui. Accordéoniste. On espère qu'on ne les a pas trop ennuyés. Accordéoniste, hein ? Oui, oui, oui, oui. Depuis un certain temps. Du club des Corévros Évaudés. Oui, et puis des Berdy Berdo aussi. Et des Berdy Berdo, surtout lequel ? Mais... j'ai pas de préférence. Non, mais en général, tu vas plus dans lequel c'est pareil. Skif-kif. Bourricot. Ouais, c'est pareil. Bon, ben voilà. On fait pas le même type de sortie. Mais... oui, c'est pareil. Mais vous en faites autant. Ouais. D'accord. Voilà, donc rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Musette Party. Et oui. En attendant, eh bien, bon week-end à vous, portez-vous bien et bonne semaine. Voilà, gros bisous. On va se quitter avec une série de Led Kiss, tiens. Ah. Led Kiss. Oui. Tu connais le Led Kiss ? Oui. Il paraît que c'est une vieille danse. C'est une danse des années 60, oui. Ah bon, alors c'est pas si vieux. Enfin, disons que c'était en vogue dans les années 60. Hein. Oui. D'accord. Maintenant, ça date de fraîcheur, je ne sais pas. Mm. C'est possible que c'était fait avant. Hein. Oui, bon, après, voilà. Enfin, c'est une danse qui revient un peu à la mode dans l'été dansant. Mm. Et donc, le premier Led Kiss, eh bien, c'est... Michael Richard qui vous l'interprète. Donc c'est le Led Kiss qui s'appelle La danse du Led Kiss, tout simplement. C'est de Michael Larchange, Pierre-Yves Lombard, ainsi que de Jérôme et Michael Richard, les deux frères. Hein. Mmh. Et l'autre Led Kiss, eh bien, ça sera notre ami Martial Villemain, puisqu'il en a enregistré un aussi de Led Kiss, oui, oui, dans son tout dernier album, qui s'appelle Dansons au rythme des quatre des saisons. C'est pas des quatre saisons, c'est des saisons. Oui, puisqu'il y a quatre saisons, on le sait. Oui. Voilà. Donc, ça sera le titre. C'est pas la leçon de Led Kiss. Tu te rappelles du titre, toi ? Non, non, non. Oui, non, mais c'est... je dis la leçon de Led Kiss parce qu'à l'époque, c'était dans les années 60, c'était un morceau qui était en vogue. Oui, la leçon de Led Kiss. Oui. Oui, c'était un peu comme la danse des canards. Non ? Non ? Non, quand même. Voilà, donc oui, le titre de ce Led Kiss de Martial Villemain. Ça sera Revoilà le Led Kiss. Voilà, c'est ça le titre. Donc on se quitte avec cette série. Alors... ah oui, donc pour la Marina, oui, je voulais en revenir au thé dansant à la Marina, puisque demain, oui, c'est vrai que j'avais égaré ma feuille, donc je pouvais pas vous dire qui était l'orchestre, ça sera Florent Goris demain. Voilà, pour information. D'accord. Et le 22 avril, ce sera Benjamin Durafour. Alors, merci à vous. Merci à toi, Marcel, d'être venu. Merci. À la semaine prochaine. Eh ben, à la semaine prochaine, et puis bonne semaine. Voilà. Ouais, toi aussi. Oui, merci. Allez, ciao à tous. Allez, salut. Et en bon week-end avec le Led Kiss. Bon week-end. Avec le soleil. Oui. Et pour la semaine aussi. Hein. Ouais, ouais. Enfin, j'espère. Non, la semaine, à mon avis. Non. Ah bon. On a changement de nuit de mercredi. Ça ah oui, donc pas ça risque de changer. Alors. Ouais. Le froid. Peut-être la pas neige. Le froid, mais la flotte, simplement. La flotte, d'accord. Bon. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, alors. Ah bah oui, oui, c'est vrai que ça manque. Hein. Et ça manque. Allez, Michael Richard et Martial Villemain. nous emmène pour le Let Kiss. Allez, gros bisous et à bientôt. Salut. Ciao à tous. Certaines grandes.